Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal que nous ouvrons par ce grand titre. Les évêques catholiques demandent la participation au dialogue et à toutes les parties au conflit politique burundais. Pour eux, la situation risque de s'empirer si rien n'est fait. Désormais, le vacatariat dans les écoles privées pour les enseignants des écoles publiques est interdit en province Muyinga. La mesure a été prise par la direction provinciale de l'enseignement dans cette province. Et en province Bubanza, 18 personnes sont incarcérées au cachot de la police de Gihanga. Elles ont été attrapées dans la réserve naturelle de la Rukoko. Voici pour les titres. Dans quelques instants, les détails. Aubin Nyonguru à la présentation et Aimé Toussaint Mitebouti assure la mise en onde. Bonsoir. Le Conseil épiscopal de l'Église catholique du Burundi demande au gouvernement du Burundi et aux opposants politiques de participer au dialogue inclusif pour que le Burundi ne replonge pas dans la guerre. À ceux qui considèrent le fait de faire un clin d'œil aux autorités comme une ingérence, ce conseil indique que c'est son droit de crier au secours pour éviter que la situation ne s'empire davantage. Suivez Mgr Joachim Naundereye. Si nous enseignons en ce qui concerne la vie sociale et que notre doctrine éclaire la politique, cela ne signifie pas que nous dévions et nous ne sommes pas non plus en train de nous mêler dans des choses qui ne nous concernent pas. Plutôt, c'est pour bien accomplir notre mission comme les prophètes en Israël. C'est pourquoi nous devons se préoccuper du bien-être de tout le monde et nous avons droit à crier haut et fort dans tous les domaines pour faire un clin d'œil aux autorités chargées de prendre des décisions. Nous voulons encore une fois recommander sur la situation actuelle de notre pays. Nous souhaitons insister sur l'importance du dialogue pour l'intérêt général de la nation afin de prévenir n'importe qui veut reconduire notre pays en guerre. Nous avons vu des méfaits de la guerre dans les familles. C'est pourquoi personne n'acceptera plus toute chose qui pourra nous conduire en guerre. De plus, personne ne peut ignorer que les conflits politiciens ont sémé la discrimination, la torture et la tuerie, ce qui ont poussé beaucoup de Burundais à prendre l'exil avec d'autres comme des politiciens de l'opposition, les commerçants et les représentants de la société civile et certains agents de force de l'ordre. Après tous ces conflits, maintenant, ça a devenu impossible de s'asseoir ensemble afin de construire le pays. Ces évêques catholiques disent que le pays est en train de perdre. Pour eux, si rien n'est fait pour que le conflit politique cesse, la situation risque de s'empirer encore une fois à Joachim Naundereye. Il ne fallait pas négliger. Notre pays est en train de perdre dans tous les domaines. Ceux qui sont au pouvoir et ceux qui cherchent à accéder au pouvoir, sans oublier tous les Burundais, sont comme des gens qui prennent le même chemin pour une même destination. Des dialogues inter-burundais ont déjà été organisés à l'intérieur du pays, mais l'organisation de ces dialogues n'a pas été bien saluée par tout le monde. Comme c'est déjà prévu, un dialogue qui peut faciliter la participation de ceux qui se trouvent en exil, il est impératif que toutes les parties soient présentes afin de trouver une solution efficace à ces conflits politiques. Les questions essentielles qui ont été soulevées par la médiation, notamment la révision de la Constitution, doivent trouver une solution effective dans l'esprit des accords d'Arusha. Ainsi, la paix sera consolidée sans passer par la voie de la guerre qui emporterait des vies humaines. Si ce dialogue ne se réalise pas dans les meilleurs délais, nous, les évêques de l'Église catholique, craignons que la situation puisse s'empirer. Ici, on parle des questions liées à la démocratie, au respect des droits de l'homme, aux libertés des citoyens, la paix et la libre circulation dans tout le pays, l'organisation des institutions inclusives, le rapatriement des réfugiés, le futur de la jeunesse, la pauvreté, ainsi que la diplomatie entre le Burundi et les autres nations. Icyerekeye ubukene bubandanya bwugariza abanyagihugu n'icyerekeye ubucuti n'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu. Monseigneur Joachim Ntahondereye, président du Conseil des évêques catholiques du Burundi, a été traduit successivement par Médard Niyonkuru et Léonce Bitariho. 18 personnes, dont 12 hommes et 6 femmes, ont été attrapées par les militaires basés dans la réserve naturelle de la Rukoko ce samedi et ont été conduites au cachot de la police de Gihanga, province de Bubanza. Les uns étaient en train de cultiver, les autres cherchaient du bois de chauffage. L'administration communale précise que toute personne qui passera outre la mesure interdisant l'accès dans la réserve de Rukoko sera sanctionné conformément à la loi. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Connaissent certaines personnes qui ont enterré les leurs au cimetière de Manda et s'inquiètent du fait que les voleurs détruisent les tombes et les laissent à ciel ouvert. Ils font savoir que le gouvernement avait annoncé qu'il procédera à l'exhumation des restes enterrés sur le long de la route pour ceux qui n'auront pas les moyens de le faire. Ils demandent au ministère en charge des droits de l'homme de se saisir de cette question. Suivez-les au micro de Charles Makoto. Ce qui nous inquiète, c'est que nous voyons que le gouvernement nous a dit par la voix des ondes que ceux qui ne seront pas capables de transférer ailleurs les tombes de ses proches, que le gouvernement s'en chargera. Mais jusqu'à aujourd'hui, on a attendu, rien n'a été fait. Nous venons souvent visiter les tombes des nôtres et nous trouvons que les voleurs en ont profité pour voler, que ce soit les tôles, que ce soit les carreaux, les tombes reste ouverte alors que nos morts restent dedans. Vraiment, nous sommes tristes. Nous demandons donc que vous soyez nos ambassadeurs auprès de nos supérieurs, qu'ils nous représentent et nos porte-parole et sachent que nous sommes en train d'être traités injustement. Nous sommes là, il est vrai que nous avons perdu les nôtres. Nous devrons être consultés avant de prendre toute autre décision. Nos avis sont nécessaires pour que ces activités se déroulent dans un climat d'entente. Même si quelqu'un est mort, il a le droit d'être enterré digne. Parce que même si quelqu'un est mort, il a le droit d'être enterré avec dignité. Parce que ceux qui l'ont enterré avant sont encore vivants. Et moi, comme quelqu'un qui a enterré son parent et son enfant ici, avec la décision du gouvernement de vouloir enterrer nos disparus avec dignité, nous n'avons pas eu la paix dans nos cœurs. Nous n'avons pas été tranquilles. Nous venons souvent ici à Manda pour voir. Donc, nous demandons au gouvernement de nous aider. Ceux qui ont les moyens ont déjà transféré leurs disparus ailleurs. Et pour nous qui n'avons pas de moyens, nous demandons que le gouvernement nous appelle le jour de cette activité pour que nous puissions accompagner nos chers disparus pour voir que réellement ils sont enterrés avec dignité ou bien qu'on nous indemnise pour les transférer nous-mêmes parce que nous ne pouvons rien faire. Nous sommes pauvres, mais nous sommes tristes à cause de nos chers disparus. Contacté à ce sujet, l'administrateur de la commune Gihanga dit être au courant de ces inquiétudes de certaines personnes. Léopold Ndaïsaba indique avoir envoyé une correspondance à l'Office des routes pour demander des précisions sur la distance concernée pour l'exhumation. Il tranquillise cependant que ces tombes ne seront pas détruites. À la question du vandalisme observé, il indique que l'administration essaie de prévenir par le gardiennage. Je vous propose de l'écouter. Effectivement, au niveau de la RN5, côté Buringa, à la cimetière de Mhanda, il y a eu, je dirais, des placements de tombes juste tout au long de la route, parce que la route qui est en train d'être, je dirais, réhabilitée, va avoir, je dirais, une dimension supérieure à ce qu'elle avait auparavant. Alors, un communiqué a été lancé par l'Office des routes pour appeler les gens qui ont enterré l'air tout au long de cette route à une, je dirais, distance de 10 mètres, mais c'est encore Je dirais, c'est pas certain parce que moi-même, j'ai pas eu l'occasion de lire ce communiqué. Mais cet appel qui a été lancé à l'endroit de ce qui a enterré les lèvres au niveau de ce cimetière a été vraiment entendu par des gens, je dirais, qui ont des moyens. Et ceux qui n'ont pas de moyens ont des problèmes de pouvoir déplacer ces tombes. Alors, ces gens-là se lamentent, disant que bientôt, les engins qui sont en train de travailler au niveau de cette route vont, je dirais, détruire leurs tombes. Alors, au niveau de l'administration, nous avons tenu maintes réunions à l'endroit de ce qui est enterré au niveau de ce cimetière pour être tranquillisé. Parce que l'office des routes a prévu de pouvoir déplacer les tombes qui ne seront pas déplacées par les propriétaires. Le problème qui se pose, c'est que la distance qui est concernée au niveau du déplacement des tombes n'est pas, je dirais, précisée. C'est encore confuse. Alors, nous demandons à l'office de route de pouvoir bien déterminer cette distance. Et une autre question qui se pose, c'est que il y a des indications que l'on a mises au niveau de cette route, là où la route va passer, et que les tombes qui sont concernées par le déplacement se trouvent en dehors des indications que l'on a placées là. Des questions se posent parce que une fois les engins arrivés au niveau de cette localité, en travaillant à ce niveau, il y a des tremblements, il y a des impacts très négatifs qui pourront être posés à l'endroit de tombes qui sont tout autour de cette route. Les services habilités, entre autres, l'office de route puisse dépêcher des techniciens en la matière afin de pouvoir voir l'impact négatif qui pourra, je dirais, être causé par ces engins au niveau de ce cimetière. Et voilà, c'était l'administrateur de la commune Egihanga, Léopold Ndaïsaba. Je l'avais annoncé en titre, la pénurie de l'essence se fait remarquer sur différentes stations-service dans la ville de Bujumbura depuis ce vendredi, là où nos reporters sont passés. Seul le gazoil est servi. Les transporteurs disent que leur activité est perturbée. Vianney Ngendakumana, il est stagiaire à la radio Isanganiro, il a fait le tour de quelques stations. Comme nous l'avons constaté dans plusieurs stations visitées, la pénurie de carburant de type essence s'observe ici dans la capitale de Bujumbura. Celle de station Interpétrole se trouva près de l'ompe devant le siège de l'ancienne compagnie de communication Léo, station Top One Nahangwa et la station Kigobe City Oil distribuaient l'essence. Une personne rencontrée sur le fil d'attente parle des conséquences de cette pénurie. Comme l'essence n'est pas disponible, c'est pourquoi il n'y a pas d'argent. Dans notre métier, tout va mal. Les gens manquent les véhicules de transport. C'est la paralysie totale. Nous demandons au gouvernement de faire tout possible pour que le carburant soit disponible, peu importe le prix. Les transporteurs utilisant le carburant de type essence demandent au gouvernement de tout faire pour que le carburant soit disponible. Les pompistes rencontrés sur les stations-service n'ont pas voulu s'exprimer sur nos micros. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Page éducation de ce journal, les enseignants du public n'ont plus le droit de prester comme vacataires dans les écoles privées de Muyinga pour l'année scolaire qui commence ce lundi. La direction provinciale demande aux responsables des écoles privées de recruter le personnel permanent et les gestionnaires de telles écoles réclament une dérogation car le vacatariat reste de mise même dans les écoles publiques pour certains cours. Dieudonné Zeymane. Des enseignants du public sont irréguliers dans les écoles d'affectation pour concentrer plus d'efforts dans les écoles privées. Cette observation est de Blaise Pascal Misago, directeur provincial de l'enseignement à Muyinga. Désormais, la démarcation est claire. Un enseignant du public ne va plus poser le pied dans une école privée, d'après ce directeur, invitant les gestionnaires des écoles privées à recruter leurs propres enseignants dans la catégorie des chômeurs. Une mesure discriminatoire d'après certains responsables des écoles privées. Il y a des cours nécessitant une expertise. On fait recours aux vacataires, un système qui reste aussi de mise dans les écoles publiques. La direction provinciale de l'enseignement à Muyinga parle d'une directive claire émanant du cabinet civil du président de la République. Côté gestionnaire des écoles indépendantes, on rappelle une ordonnance ministérielle précisant le minimum du personnel nécessaire à une école. Un cinquième du personnel enseignant doit être permanent. Ces gestionnaires espèrent un compromis à ce sujet pour permettre à ceux qui ont plus de ressources à développer les compétences à tous les enfants du pays sans opposer le public au privé. Dieudonné Nzeimana, Domuinga pour la radio Isanganiro. De Muyinga, rendons-nous à Bubanza où le prix de 685 francs le kilo donné par la Société régionale de développement de la plaine d'Olimbo aux riziculteurs est jugé trop bas par rapport à 1000 francs le kilo donné par les commerçants privés selon ces riziculteurs. Ils demandent que ce prix soit revu à la hausse, à la SRDI. On explique que ce prix est suffisant et qu'il est calculé en considérant les dépenses du cultivateur Spes Caritas Kamanyana. Ces riziculteurs, encadrés par la Société régionale de développement de la plaine d'Olimbo, SRDI, se lamentent que cette société leur a acheté le riz à un prix très bas par rapport au prix donné par d'autres commerçants. La SRDI a acheté à 685 francs le kilo du riz padi, tandis que les privés achetaient à 1000 francs le kilo lors de la dernière saison culturelle. Ces riziculteurs demandent à la SRDI de rehausser le prix. À la SRDI, on indique que le prix de 685 francs le kilo est suffisant et que c'est un prix consensuel entre la société, les riziculteurs et l'administration. Jean Kennedy Samaniro, directeur de l'encadrement à la SRDI, précise que le prix est fixé après avoir calculé toutes les dépenses du cultivateur. Les riziculteurs, chaque fois, ils ont tendance à dire que le prix que nous fixons est minime et faible par rapport au prix du marché à l'extérieur. Mais ici, je dirais que le prix que nous fixons, c'est un prix qui est consensuel après avoir élaboré un coût d'exploitation. Et avec ce coût d'exploitation, nous mettons une marge bénéficiaire qui est connue au niveau administratif. Chaque année, la SRDI, les représentants des riziculteurs, l'administration, les représentants de l'administration se rencontrent juste un mois avant la récolte pour fixer le prix. Les récoltes vendues à la SRDI sont donc équivalentes aux redevances que doit payer le cultivateur à propos de l'eau d'irrigation, des semences, des engrais chimiques, des produits phytosanitaires dont il bénéficie à crédit et qu'il doit donc rembourser en nature. Spes Caritas Kamanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Merci à toi, Spes. C'est par ton élément que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous qui nous suivez. Merci aussi à Aimé Toussaint Mitewuti pour sa collaboration technique. Bonne soirée à tous.